Nous sommes le mardi 21 janvier 2014 et bienvenue à l'épisode 1 de Les Jeux sont faits. Donc, comme je disais, nous sommes bel et bien à l'épisode 1 de Les Jeux sont faits. Mon nom est Patrick Talen, je serai votre hôte de cet épisode, mais le reste du temps, le reste de la semaine en fait, je suis concepteur de jeux ainsi que consultant dans cette merveilleuse industrie qu'est celle des jeux vidéo. Mais bon, le projet que nous allons commencer ce soir, j'ai décidé de ne pas l'entreprendre tout seul, mais plutôt en bonne compagnie pour que ça soit agréable et satisfaisant. Donc d'abord, à ma gauche, concepteur de jeux et concepteur narratif, Simon Gérard. Bonsoir Patrick. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien, je me sens d'attaque, un peu stressé, mais bon, je crois que c'est normal. Oui, on est fébrile avec l'arrivée de cette première. Eh oui. Et sinon, à ma droite, auteur publié, concepteur de jeux et lui aussi concepteur narratif, Martin Dano, bien le bonsoir. Bonsoir Patrick. Bien, Martin. Ça va très bien. Je ne te demanderai pas si ça va bien toi aussi parce que j'écoutais tantôt, donc je suis au courant. Fantastique. Bon, c'est quoi les jeux sont faits? C'est une balado-diffusion ou est-ce que, comme vous pouvez vous en douter, on va traiter de jeux vidéo? Mais cette fois-ci, notre angle, ça va être non pas de commenter les jeux qui sont sortis ou émettre nos opinions sur ceux-ci, mais plutôt se poser des questions sur le comment et le pourquoi de certaines décisions dans la production de nos jeux, mais aussi des décisions venant des différentes compagnies de jeux. Mais bon, on pourra en parler bien longtemps. Je pense que c'est préférable de prêcher par l'exemple. Donc, on va commencer avec notre premier segment qui va commenter quelques nouvelles récentes de l'actualité. Donc, d'abord, une nouvelle que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est la récente annonce comme quoi le fabuleux SimCity va être maintenant jouable sans une connexion Internet. Et oui, bien que ça soit assez étonnant pour des personnes dont Simon, toi, ça t'a étonné quand on t'avait parlé qu'effectivement SimCity n'était pas jouable sans une connexion Internet? oui et non. C'est, déjà là, j'étais surpris de cette façon d'agir juste avec Diablo 3. Je me suis quand même demandé pourquoi cette pratique. Là, d'apprendre qu'il y avait ça pour SimCity, ça fait bon, mais comme on en avait discuté tout à l'heure, s'il y a bien un jeu qui joue tout seul, c'est SimCity. Mais donc, je ne sais pas vers quoi ils veulent s'enligner avec ça. Le fait que ça soit offline est une très bonne nouvelle parce que moi, je pense que peu importe les raisons qui poussent à être tout le temps connecté pour jouer à un jeu, je pense que d'abord et avant tout, l'important, c'est le joueur. Donc, la connectivité, pour j'imagine c'est pour des raisons de plagiat ou peut-être de la collecte de données, mais reste qu'un jeu... Il faut que le joueur soit gagnant là-dedans et qu'il ait la pleine liberté de pouvoir jouer avec le produit qu'il a payé. Donc, et pas être lié constamment avec la compagnie qui l'a développé. Non, c'est sûr. Quand tu l'as mentionné, je pense effectivement il y avait peut-être l'aspect collecte de données. Maxis a quand même été aussi honnête au lancement de SimCity. Il y avait une vision un peu plus multijoueur, plus connectée de SimCity. Puis bon, le mot connecté revient souvent dans l'industrie. Donc, c'est sûr, d'après moi, ils voulaient tendre vers ça, mais particulièrement une série comme SimCity, qui a comme un historique qui date de quoi? Plus que 20 ans maintenant. De dire, non, avant, tu jouais tout seul dans ton sous-sol et tu avais du plaisir. Maintenant, non, il faut que tu sois connecté puis tu joues nécessairement avec tes amis et ta ville doit nécessairement interagir avec celle des autres. Bon, ça a peut-être hérissé certaines personnes. Puis bon, aussi, la partie qui est un petit peu triste dans tout ça, c'est qu'au lancement, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de jouer, tout comme l'exemple de Diablo 3 t'a mentionné. Et ces personnes-là, qui avaient payé leurs 60$, qui étaient parfaitement dans la légalité, étaient incapables de jouer au jeu qu'ils avaient payé. Donc, encore une fois, on assiste à une occurrence de, bon, le bon payeur, le joueur légal, paie probablement plus cher que le gars qui aurait piraté le jeu. Donc, c'est ça. Mais qu'est-ce qui était aussi intéressant de ça, c'est que certaines personnes peuvent regarder ça d'un œil cynique parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, Maxis avait dit que c'était impossible de jouer ce jeu-là sans une connexion Internet. Sauf la blague, c'est qu'un certain rédacteur de Rock Paper Shotgun avait sorti une nouvelle comme quoi qu'il s'agissait de juste commenter une ligne de code pour rendre le jeu jouable sans une connexion. Donc, on peut voir ça, faire bon, « OK, là, ça vous a pris un an pour permettre de jouer en ligne. » C'est un peu douteux. Oui, mais quoi que de mettre une ligne de code en commentaire, bon, pour nous, c'est quelque chose d'accessible, mais la clientèle cible de SimCity, habituellement, des personnes pas nécessairement très calées en informatique, donc tu leur jases de ça, puis c'est du chinois pour eux autres. Fait, tu leur dis « Ah, mais tu as juste à commenter une ligne de code », puis ils vont « Ah, ils vont saigner un petit peu les oreilles ». Sinon, Martin, toi... De toute façon, non, mais c'est un peu... ça, je pense que vous avez bien commenté un peu, là, puis fait un peu le tour de la question, parce que de toute façon, le produit n'avait pas été présenté comme ça à l'origine, puis d'arriver avec ce changement-là imposé, drastique, qui, dans le fond, posait plus de problèmes que de solutions, c'est clair que là... Mais au moins, il semble qu'ils ont réajusté le tir, parce que là, on dirait présentement, dans l'industrie, tout le monde essaie de s'inspirer tout le monde regarde ce que les autres font, tout le monde essaie de faire un peu pareil, indépendamment du bien ou du mal que ça peut faire, puis souvent, il faut qu'ils l'essayent pour s'en rendre compte. Mais au moins, sur une note peut-être plus positive, c'est qu'on voit qu'ils ont été attentifs à leur communauté, puis ils ont quand même réajusté le tir assez vite, parce qu'encore une fois, le produit ne prêtait pas à ça. C'est un petit peu ridicule d'amener ça un peu pour faire comme les autres, si c'était juste pour se tirer dans le pied. Donc, effectivement. Là, une question intéressante à se demander, c'est pourquoi ils ont fait ça dans le contexte d'une, j'allais dire une patch, mais on va faire attention à notre français, une rustine. Pourquoi ils n'auraient pas entendu sortir un autre produit? À votre avis, est-ce que cette bévue-là aurait pu salir le nom SimCity? Et donc, si ensuite, il y aurait justement une suite qui aurait été annoncée, le monde aurait fait « Non, rien à foutre, je ne le jetterai pas parce que bon, le jeu précédent, c'est une blague. » Mais s'ils seraient en tête, c'est sûr que pour eux, ça leur a permis quand même de... On parlait de collecte d'informations, ça, c'en est une d'une certaine façon, parce que puis, ils ont réajusté le tir assez vite. Je pense que si jamais ils sortent un nouveau produit, là, ils vont pouvoir mieux peser le pour et le contre. De genre, si on l'impose, ben il faut s'attendre à ça. Donc, le fait de le faire avec un produit qui fonctionne déjà, je pense que ça leur a permis aussi que pour l'avenir, quand ils vont sortir quelque chose, ça va être beaucoup plus adapté pour le public que ça vise. Donc, encore une fois, la grosse erreur là-dedans, ça aurait été de s'entêter puis s'obstiner puis de vraiment maintenir la connexion en ligne. Parce qu'encore une fois, c'est pour un jeu comme celui-là, il n'y a pas vraiment de but à ça. Le joueur n'est pas gagnant. Effectivement. Donc ensuite, on se transporte de la côte ouest, où est-ce que Maxis s'est installé, pour un petit peu plus dans le centre des États-Unis, à Las Vegas. Il y a eu récemment le CES, où de multiples compagnies technologiques ont présenté divers produits, certains intéressants, d'autres moins. Nos bons amis de Sony, non peu fiers du succès de la PS4, ont annoncé un service d'importance pour la PS4, mais ainsi que bien d'autres produits de la famille Sony. Ce service-là, c'est le PlayStation Now. Donc, pour résumer, qu'est-ce que le PlayStation Now permet? C'est de prendre n'importe quel appareil électronique, en théorie, qui est apte à recevoir du vidéo sur Internet et pouvoir jouer à des jeux PlayStation via cet appareil-là. Comment ça marche? On va vulgariser, on va rendre ça un petit peu plus simple. Ça fonctionne un petit peu de la même manière que Netflix. C'est-à-dire, à l'autre bout de la ligne, chez Sony, il y a de multiples serveurs qui fonctionnent exactement comme, on va donner un exemple, des PlayStation 3. Et ces serveurs-là sont aptes à jouer des jeux un petit peu comme la PlayStation 3 que vous avez dans votre salon. Sauf que ce qui est intéressant, si vous n'avez pas besoin d'avoir une PlayStation 3 chez vous, puisque vous décidez via le service de dire, exemple, je veux jouer à The Last of Us, vous le sélectionnez, le serveur là-bas commence à faire fonctionner le jeu et vous recevez tout simplement une diffusion vidéo de ça. Et avec votre manette à la maison, vous envoyez des signaux pour dire « Ok, j'appuie sur le bouton X, là ça se passe dans le jeu ». Donc grosso modo, ça vous permet de jouer avec sensiblement n'importe quel appareil, à n'importe quel jeu de la librairie PlayStation. Actuellement, les plans, je ne sais pas Martin, toi tu avais entendu parler de quelle console qui supportait ça? Comment, quelle console? Quelle console? On avait parlé, c'est quoi, de la PS3, la PS4? Je pense que c'était pas le Vita qui faisait la Vita aussi, ouais, je pense que la démo a été faite effectivement avec la Vita. C'était avec la Vita qui voulait faire ça. C'est sûr que, tu sais, c'est clair que là c'est présentement, on l'a vu un petit peu avec, je pense, Xbox, Microsoft n'ont jamais caché un peu qu'éventuellement les consoles vont être amenées à disparaître. On dirait que tout le monde essaye un peu, tout le monde s'étudie un peu, puis tout le monde essaye d'être le premier à le faire avant de se le faire, parce qu'une fois que ça va peut-être être en marche, ça va être difficile à arrêter, puis probablement que c'est inévitable. Ce qui arrive, c'est qu'avec la sortie des dernières consoles, je pense qu'on n'était pas encore prêt à ce saut-là. Mais là, on voit que PlayStation semble déjà tranquillement amener l'idée. Donc, c'est quelque chose qui évolue, c'est clair. Puis, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va être un petit peu inévitable. Parce que c'est sûr que pour faire du hardware, si on parle de PlayStation, si on parle de Microsoft, bon, Valve, on va y revenir tantôt, c'est quand même des coûts énormes. Fait qu'eux, s'ils peuvent éliminer ça, puis contrôler tout. C'est comme si la console, elle est à leur maison, à eux. Puis après ça, c'est juste le service à distribuer. C'est clair qu'en termes de coûts, on peut pas... Pour eux, c'est très, très avantageux. Puis ils vont venir à bout nous convaincre qu'il y a tellement d'avantages à faire ça que je pense que les gens vont finir par adhérer à ça. Donc là, présentement, c'est pas encore... Je pense que c'est subtil. On l'amène le sujet. Tranquillement, ça évolue, comme je disais tantôt. On sent la transition parce que là, tu peux encore mettre un Blu-ray dans ta PlayStation, mais... Présentement, ça serait trop radical, mais éventuellement, avec le service, justement, tantôt, on va faire des parallèles avec Steam, on voit là, que c'est quand même quelque chose qui est en marche, puis que probablement que ça va plus ça va aller, plus c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Là. Mais c'est ça, là, on ne peut pas faire un sans l'autre, puis là, on voit que PlayStation a l'air un petit peu d'être, si on veut, innovateur, ou en tout cas, amener, être les premiers à en parler, puis éventuellement faire en sorte que ça... C'est ça, de nous mettre ça bien en tête. Là. Qu'est-ce que tu en penses, Simon, toi, au niveau des avantages les constructeurs? Bon, Martin avait parlé de dématérialiser la console, donc j'imagine que ça va aussi éviter des cas comme on avait vu le bon vieux Red Ring sur la Xbox. Bon, ça a coûté des milliards à Microsoft. Sinon, selon toi, au niveau distribution, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, surtout pour une compagnie comme Sony qui est déjà dans, justement, la production de téléviseurs et... d'autres appareils, déjà là, de profiter de leur expérience, de leurs acquis et de créer une synergie avec tout ça, surtout si on peut simplifier la patente en enlevant un élément qui est la console, qui habituellement peut faire peur, ne serait-ce qu'au niveau du coût, comme là, les dernières consoles sont sorties il n'y a pas si longtemps. Même moi, je vais attendre qu'il y ait une baisse de prix parce que c'est un sacré investissement. Puis si on regarde, justement... l'avenir de l'industrie de la musique et du cinéma qui sont remises en doute avec les capacités qu'on a au niveau de la télécommunication et de l'Internet. Si tu prends ça et tu l'appliques au niveau du jeu et que tu développes un système ou un service qui s'apparenterait à s'abonner au câble pour pouvoir jouer à des jeux sur ta télévision, puis même on pourrait aussi enlever la Vita et que ça soit sur un téléphone. Absolument. Donc je sais que Microsoft a déjà sa ligne de téléphone. Sony, probablement. Oui, absolument. Avant, il y avait un partenariat avec Ericsson, mais là, je pense que c'est rendu vraiment... Je pense que c'est Sony Mobile Computer, une affaire de même. Mais c'est ça. C'est ce qu'ils ont essayé de souvent faire avec des consoles portables, de dire « Ah, ben t'as ta console portable, arrivé chez vous, tu peux jouer à ton PlayStation parce que ça sert de manette à ton PlayStation. » Mais là, ça va être avec des objets plus communs comme une télé et un téléphone, ce que monsieur et madame, tout le monde, se sert quotidiennement. Puis c'est ça, ça va avec les jeux, puis avec la connectivité aussi, probablement que ça va être avec les réseaux sociaux, tout ça c'est puis tout ce qui est au niveau du cloud aussi, partage d'informations, tout va être interrelié dans des expertises qui ont déjà... Par exemple, il y a un danger à ça, comme aussi avec SimCity, ce qu'on discutait tout à l'heure avec SimCity. Il faut qu'il y ait la possibilité de se déconnecter aussi, là, parce que... Ouais, mais là, je crois que ça ferait partie, c'est un peu comme, si on dirait, ouais, Netflix, tu pourrais t'en servir offline, c'est quoi, dans ce temps-là, ça serait peut-être de télécharger le jeu sur ton appareil, Non, c'est ça, il y a des questions à ce niveau-là. Ça va amener aussi vraiment un concept à la carte, c'est que pour tant de montants d'argent, tu vas pouvoir avoir juste les jeux, disons, Vita, pour tel montant d'argent, tu vas avoir tous les anciens jeux PS3, tu vas avoir des exclusivités, donc tu sais, ça va un peu comme on peut avoir avec le câble, tu peux choisir telle chaîne, puis fait que ça, je pense que plus pour Sony, ils vont pouvoir avoir une librairie vaste, plus ils vont pouvoir justement avoir différents forfaits à présenter, puis je pense que ça va être quelque chose, c'est un petit peu là, tu sais, ils vont comme gratter un peu depuis l'origine, puis à partir de ça, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, mais tu sais, c'est une façon aussi de remonter à tout ce qui s'est fait. Puis depuis premiers produits Sony, c'est une façon aussi d'expérimenter des choses que peut-être des gens ont comme pas eu la chance auparavant. Fait que c'est vraiment une manière, ça va être une grosse librairie. Puis après ça, ça va être comme à la carte. Le consommateur va pouvoir choisir lui qu'est-ce qu'il a accès par rapport à ça. Puis encore une fois, en éliminant c'est sûr que le hardware, c'est certain que pour la personne, elle se dit si j'ai accès au jeu, puis j'ai pas à payer de console, mais c'est clair que là, côté. C'est un argument qui est champion, je veux dire, pour vraiment convaincre les consommateurs, surtout ceux qui sont peut-être un peu plus réticents là, à investir dans une nouvelle console, là, je pense, les accrocher. Donc. Ben, je pense qu'un parallèle rapide qu'on peut faire, c'est le développement genre des téléphones intelligents dans les dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui ont des iPhones, puis bon, vu que tu te commets à un certain rythme de paiement par mois, bon, de l'appareil gratuitement, donc effectivement, je crois que ça va tendre à ça. Et finalement, d'une manière un peu connectée aussi, c'était vraiment intéressant puisque nos bons amis de Valve ont fait pour une première fois cette année ce qu'ils appellent le Steam Dev Day. Grosso modo, on ne se le cachera pas, Valve a un agenda à pousser pour les prochains mois et les prochaines années. Tu en avais entendu parler un peu, Martin, c'était quoi les gros points qu'ils ont décidé de pousser pendant ces quelques journées-là pour les développeurs? Mais Valve, en général, en passant, c'est toujours une compagnie qui fait sourire parce qu'ils sont hyper respectés dans l'industrie et à juste titre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, eux, ils regardent un peu le développement qui se fait dans les consoles, un peu la guerre froide entre Sony puis Microsoft, puis ils vont vraiment arriver avec leurs produits. Puis j'ai l'impression qu'eux aussi, avec on parlait de la réalité virtuelle, fait qu'ils vont comme, au lieu de dire que, c'est sûr que Microsoft n'a jamais été très subtil, ils veulent vraiment contrôler tout ce qu'il y a dans ton salon. Ça, dans le fond, ils ne s'en cachent pas non plus. Mais je pense que ça date d'ailleurs de 95, cette vision-là de Bill Gates, de dire on va être dans le salon, dans votre ordinateur. C'est probablement une des raisons même qui a amené l'émergence du Xbox, c'était pour qu'éventuellement ça devienne une console où il va y avoir plein de périphériques. Puis que ça va t'amener tranquillement à ça. Mais là, les cartes sont de plus en plus évidentes, je veux dire, sont sur la table, puis ils l'exposent de plus en plus. Ce qui est intéressant avec Valve, c'est qu'on dirait qu'eux regardent ça, puis je pense qu'ils auraient, ce qui est légitime, probablement des intentions similaires, mais au moins, je pense qu'ils sont beaucoup plus près du jeu vidéo. Ils arrivent déjà avec quelque chose de nouveau, qui est justement un truc de réalité virtuelle qui a un bon potentiel. C'est sûr que ça, c'est un peu un laboratoire. On va falloir qu'ils l'essaient, puis j'imagine que ça va être peut-être, là, vu qu'ils sont les premiers, ben, c'est eux un peu qui vont donner la donne. Là, quoi. Puis à partir de là, je pense que ça va. Ils vont s'ajuster assez vite. Mais ce qui est intéressant avec Valve, c'est que tu as l'impression qu'ils ont. Je pense qu'en arrivant avec leur console qui va être beaucoup plus adaptée comme pour. C'est comme tu disais, c'est pas comme un émulateur, mais ça va être genre un. Ben, ce qu'on parlait actuellement, notamment, un des concepts qui a été poussé là-bas, à ma connaissance, c'est la Steam Machine. C'est-à-dire, on parle. On va être très honnête, d'un PC qui va rouler une distribution de Linux, c'est-à-dire une version de Linux. Pour donner un exemple, macOS est une distribution de Linux, donc Valve vont faire leur propre système d'opération. Et bon, vous allumez le système d'opération de Valve, vous arriverez directement dans Steam, puis ça nous rappelle étrangement une console. Donc, je pense que l'angle de Valve actuellement, c'est de faire une espèce de console ouverte. Espérons que ça soit un petit peu mieux que la Ouya. Mais ouais, je pense pas dur à battre. Bon, soyons quand même vrais d'esprit, là. On commence la série. Là. C'est ça. Sinon, il y avait aussi une étrange manette qui a été présentée récemment. Je ne sais pas si pourrais-tu en parler un peu, Simon? De la manette? Oui, non, c'est curieux. Ça marche avec des... comment en bon français, on dirait des pavés tactiles. Des pavés tactiles, c'est ça. Donc, moi, j'ai définitivement hâte d'avoir ça en main parce que c'est ça, on n'a plus les joysticks, puis on dirait qu'ils ont épuré au niveau du nombre de boutons. Est-ce que je me trompe? Oui, je pense qu'il y en a quatre en bas. Mais toi, justement, Simon, tu as plus, pour nos auditeurs aussi, tu as plus un background, c'est inacceptable. Plus un historique de gars qui aiment les jeux de combat, les jeux d'action quand même assez serrés, les Devil May Cry de ce monde. Oui. T'es pas un peu réfractaire à ça? Sérieusement, moins deux pavés numériques pour jouer à Street Fighter 4. Non, ça, dans le cas de Street Fighter, moi, ça a été, pour ma part, une justification assez importante pour acheter un bâton d'arcade avec la configuration des 6 pitons, 3 en haut, 3 en bas. Parce que sinon, j'ai essayé d'autres trucs. Moi, les premières fois que j'ai joué à Street Fighter, c'était à l'arcade et il y avait cette disposition de boutons-là. Bon, peut-être que je m'adapte mal au changement dans le cas de Street Fighter. Mais pour le reste, j'ai hâte de voir. C'est sûr que c'est une question qui se sont posées au développement de cette manette-là. Je peux pas croire que ça a été fait à la légère, là, surtout avec des gens comme Steam. Mais c'est ça. Est-ce que ça va fonctionner aussi bien pour les jeux de console de marier le contrôle de console traditionnel avec le contrôle typiquement PC? Faut voir, parce que c'est pas une mince tâche. Non, c'est une grosse ambition. Sauf qu'il faut se rappeler, à la première présentation de la manette, ça fait déjà quelques mois, je pense qu'il y avait un des développeurs de Super Meat Boy, qui est un jeu qui est quand même réputé pour être très exigeant côté contrôle. Tout en restant simple. Là. Oui, absolument. Il n'y a pas beaucoup de boutons impliqués. Là. Mais il faut être une bonne manette. Là, oui. Je veux dire, c'est une manette en gélatine, t'es foutu. Et le gars, sans donner son soutien complet, avait dit non, c'est vraiment bon, je suis quand même étonné. C'est pas aussi bon qu'exemple la manette typique, on va prendre comme exemple la manette d'Xbox 360 actuellement, qui est comme le gros standard côté PC. Oui. Donc, il avait donné son support. Donc, je pense que le support venant d'un gars de même qui aime ses contrôles serrés, c'était vraiment intéressant. Mais. En tout cas, je ne sais pas votre sentiment pour vous. Comme tu disais, Simon, c'est sûrement pour mettre un pont entre le contrôle PC traditionnel et le contrôle console. On sait qu'on veut mettre cette boîte-là dans le salon, donc probablement c'est pour jouer à des jeux, je sais pas, à la Civilization, à la StarCraft avec cette manette-là. Oui. Ben, StarCraft, ça va être un très gros test parce que tu regardes les compétitions de StarCraft, puis c'est 300 opérations. C'est quoi 300 opérations minutes, quelque chose comme ça. C'est hallucinant. C'est incroyable. Donc, c'est ça. Puis sinon aussi, j'avais eu vent aussi pendant ces jours de développeurs-là. On avait aussi fait la promotion. On sait que chez Valve, actuellement, Dota 2 est un gros hit. Puis on parle d'un jeu free-to-play en français. On va dire un jeu... C'est gratuit à l'usage. Gratuit à l'usage, merci. Avec plein de belles microtransactions qui, dans ce cas-là, pour être honnête, sont quand même acceptables. C'est des personnages. Et même, je pense... Au lieu des personnages, c'est plutôt des modifications esthétiques. Donc, ça ne bousille pas la jouabilité. Mais bon, Valve a comme ramassé beaucoup d'argent avec ce jeu-là, commence à avoir une très bonne expertise. Team Fortress 2 aussi, il faut se rappeler, a pris un tournant le gratuit à l'usage. Mm-hmm. Et donc, il y avait aussi ça. Donc, si on regarde la vision de Valve, grosso modo, c'est ce qu'on parlait de la Steam Machine, que là, bon, d'après moi, ils vont essayer d'imposer leur vision du hardware, la manette. La réalité virtuelle aussi, qui revient encore de manière très forte en début 2014. Ce qui est intéressant avec Valve, c'est qu'on peut être à peu près certain qu'ils ont bien fait leur devoir quand ils vont arriver avec ça. Et parfois, on a l'impression qu'il faut arriver avec la nouvelle bébelle tout le temps. C'est juste comme d'arriver avec quelque chose de nouveau qui, c'est vraiment, je pense que c'est testé beaucoup plus par le consommateur. Puis après ça, selon l'appréciation, il y a une suite à ça ou il n'y en a pas. J'ai l'impression que Valve, quand ils vont arriver avec le produit déjà, ça va être comme... tu sais, il y a quasiment un tag dessus là, de qualité. Je pense qu'ils vont avoir vraiment testé leur produit. Puis à ce niveau-là, c'est pas vraiment quelque chose qui est très risqué ou le risque est beaucoup plus calculé. Puis, ben, je pense qu'il est mitigé parce que, bon, ils ont leur verre chalet, comme je disais. Steam, mm-hmm. on va être très honnête, je veux dire, ils ont travaillé fort beaucoup là-dessus. Mais je veux dire, maintenant, il y a un certain pourcentage de chaque vente sur Steam qui va dans leur poche. Donc, ça doit faire quand même des assez bonnes entrées d'argent. Oui, puis il faut quand même leur donner aussi le crédit qu'ils ont été les premiers à le faire. Bien aussi. Puis ce qui est bien, c'est qu'eux, dans le fond, c'est un peu les librairies de tous les jeux qui servent. Fait que dans le fond, ce n'est pas que leur jeu. Donc, ce n'est pas comme que des exclusivités à Valve. Puis en faisant ça, ça leur a permis justement de soutirer. Valve, il ne faut pas se tromper que s'ils avaient voulu, ça aurait pu être vendu depuis longtemps. Donc, on voit qu'ils ont vraiment un plan, on voit qu'ils veulent vraiment arriver, je pense, avec en termes de nouveautés, puis je pense avec un package qui va être encore une fois beaucoup plus étudié puis beaucoup plus intéressant. Puis, tu sais, ils ont quand même été assez avant-gardistes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rare que tu vois des gars qui sont aussi dans le progrès, mais qui ne sont pas pressés. Il y a vraiment une nuance par rapport à ça, c'est que tu vois qu'ils rushent rien, mais quand ils arrivent avec quelque chose, on dirait que c'était comme soit que ils l'ont abordé différemment, ou encore ça, ils ont étudié un petit peu ce que tu faisais tout le tour, ils ont pris leur temps, puis on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus prêt et fin. Donc, on aime Valve. Oui, on les aime quand même. Mm-hmm. Puis, en tout cas, c'est de voir aussi qu'est-ce que les développeurs vont faire avec cette notion-là. Moi, je suis vraiment excité parce que, bon, réalité virtuelle, nouvelle console, nouvelle manette, c'est trois fronts intéressants qui peuvent avoir de l'impact dans les prochains mois et les prochaines années. Sur ce, notre émission, on veut parler d'actualité, mais aussi, on aime bien ça, discuter de sujets qui explorent différentes facettes de l'industrie. Et Martin nous a choisi un beau sujet que l'on va présenter dans quelques instants. Donc, le sujet de la semaine. Ce sont les dates butoirs dans une production de jeux vidéo. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut encourager ça? Est-ce qu'il faut essayer de... donner plus de temps, comment traiter ça, parce que dans le fond, ça devient une question c'est quelque chose qui est inévitable. Tu sais, je veux dire, il faut que le jeu aboutisse, mais comment pousser la création, comment faire en sorte de lui donner une date, d'imposer comme tu sais, une qualité puis un rendement, alors que c'est de la création, qu'il faut que ça s'épanouisse tout seul. C'est une question qui est quand même assez intéressante, là, je pense. Okay. Alors, sur ce, messieurs... Ouais, je me tourne vers Simon. Date butoir, pour ou contre? Ben, c'est pour, évidemment, dans le sens que c'est essentiel, parce qu'il y a aussi une chose à mettre en contexte. C'est, on parle de quel genre de projet, quel genre de compagnie. C'est pas toutes les compagnies qui peuvent se permettre de dire « ça va sortir quand ça va être prêt ». Je pense la dernière fois qu'on a entendu une chose pareille, ça a pris quoi? 14 ans? Ouais. Je pense à Duke Nukem notamment, qui se faisait une fierté de dire « OK, non, on va livrer quand ça va être prêt. » C'est vraiment intéressant de dire ce jeu-là, parce qu'après 14 ans, c'était une catastrophe. Il aurait dit 14 mois, on aurait compris. non, mais c'est vrai, 14 ans pour faire ça, ça prouve qu'effectivement... Ouais, je laisse continuer, c'est juste que je trouvais ça trop tentant. Oui, non, il y a de quoi être affligé, sauf qu'il faut se rappeler aussi à la fin. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Gearbox a été le dernier développeur à faire ce jeu-là. D'après moi, ils ont juste ramassé les morceaux, puis ils ont fait un... Pardonnez-moi encore dans les six, ils ont fait un patchwork avec une courte pointe. Puis bon, ça a sorti. Sérieusement, personnellement, Duke Nukem Forever, je vois ça quasiment comme une représentation d'un cheminement historique dans l'industrie du jeu. On s'entend que ça a été un running gag pendant maintes années. Il était en spécial il y a 2 semaines, je pense, à 5$ sur Xbox Live et je ne l'ai pas acheté. Mais... Y as-tu pensé pendant quelques instants qu'elle aurait été longue pour vouloir Duke Nukem Forever? Non, de la façon, les critiques qu'il y avait, moi, ça a fait 5$. Je pense que c'est encore trop. Mais bon, je n'y ai pas joué, donc je parle à travers mon chapeau ici. Mais c'est ça, c'est que les dates butoirs, c'est clair que l'essentiel dans tout ça, c'est la gestion. Mais aussi, il faut être réaliste dans le sens que, pour avoir travaillé dans l'industrie, on souhaite tous le meilleur des mondes et sortir la prochaine licence qui va faire baver tout le monde. Mais si le budget ne te permet pas d'avoir la main-d'œuvre et le temps pour arriver à ce but-là, ben faut être réaliste, tant au niveau que ce que tu demandes à ton équipe de création qu'à ton équipe de production. Mais si tu as les épaules pour le faire et de dire ça va sortir quand ça va sortir, tant mieux pour toi. Mais là, on sait que ce genre de studio-là, on peut les compter pratiquement sur les doigts d'une main. Et plus ça va aller, moins il va en avoir aussi. Parce que le fameux AAA, le fameux jeu qui est très long à développer, c'est certain que ça. Il y a quand même une espèce de fossé, je pense, qui est en train de se faire dans le jeu vidéo. Puis c'est les nouvelles licences. C'est quelque chose qui est très. Je veux dire, faut arriver, je pense, avec des plans très convaincants pour pouvoir amorcer ça dans un studio. Puis c'est de plus en plus, je pense que ça va être difficile. Mais c'est un point intéressant que Simon disait, parce que c'est vrai que tu ne peux pas juste blâmer ton équipe de création quand que, si des fois c'est reporté ou c'est chancelant. Il y a la réalité aussi, puis le réalisme de l'équipe versus l'ambition du projet. C'est sûr que si tu veux faire le prochain Call of Duty avec une équipe de 15 personnes puis tu as un an de développement, c'est complètement... Sans aller dans un extrême comme ça, il faut quand même aussi, au niveau production, je pense, être réaliste par rapport à l'attente, par rapport à ce qu'on vise, puis par rapport aussi à être conscient que tel développement dans le meilleur des mondes, tel temps de développement dans le meilleur des mondes va donner un peu... On pourrait s'enligner vers quelque chose comme ça. Mais je pense que moi, c'est encore une fois, les dates butoirs, c'est essentiel parce que la création doit être encadrée. Parce que sinon, ça va toujours être un peu chancelant, ça va toujours être un peu remis. Puis des fois, c'est bon de partir avec des bases solides, les développer jusqu'à la fin. Des fois, j'aime pas le mot patcher, mais tu sais, si c'est quand même assez solide, il y a moins de chances que ce qui va être chancelant parce que ça risque d'arriver, parce que c'est pas une science parfaite, mais au moins, ça va être récupérable beaucoup plus facilement. Tandis que si c'est toujours, toujours fragile, puis que c'est, bon, on n'est pas sûr, finalement, on repart à zéro, bien, si tu repars tout le temps à zéro, tu repars à zéro, tu repars à zéro, mais ça fait en sorte que justement, ça avance pas, puis ton temps de production, c'est pas long, là. Tu peux passer de 2 à 3 ans, puis dans le fond, tu as perdu carrément une année juste à tourner. Un petit peu, là, je te dirais, pas répéter les mêmes erreurs. Oui, non, absolument. Mais c'est aussi intéressant parce que ça, c'est un sentiment, je ne sais pas si vous le partagez avec moi, mais dans les studios, de plus en plus, quand j'ai commencé, il y a à peu près 7 ans, souvent, quand on abordait un projet, on disait « OK, on fait 20 niveaux, on doit remplir ces 20, ces 20 espaces-là. » Tandis que maintenant, justement, comme tu disais, pas nécessairement patché, mais c'est plus orienté sur l'itération. C'est-à-dire, on commence avec un tout petit peu, on développe de manière organique alentour, et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, on arrache ce petit bout-là, puis ensuite, on continue au lieu d'avoir cette espèce de grande vision-là, essayer de la remplir, puis pas assurer. Puis le prototypage, dans le fond, le point de départ, pour surtout le game design, c'est essentiel. Puis ça aussi, je pense que plus c'est solide, plus que c'est fait bien rapidement, bien mieux que la production va s'en porter pour le reste là, du projet. Donc, le prototypage, c'est quelque chose qui est très important parce que dans le fond, c'est un peu tes bases, c'est ta fondation. Fait que si en commençant, ça, c'est chancelant, bien, tout le reste va se faire. Puis encore une fois, c'est pas une science parfaite. C'est certain qu'au fur et à mesure, dans le développement, il peut avoir des fois on a l'impression peut-être que telle décision n'était peut-être pas la meilleure. Mais je pense que quand ça arrive, c'est de ne pas paniquer, pas de repartir à zéro. C'est la nature de la bête, ouais. Honnêtement, parce que je ne sais pas, vous autres, avez-vous travaillé dans d'autres médias peut-être moins interactifs? Moi, sérieusement, j'ai tout le temps été dans l'interactif. Puis ma perception, c'est des fois, tu as du monde qui vient de l'extérieur, mettons, de la musique, de la vidéo, des affaires de même, puis il y a vraiment une panique, tandis que j'ai l'impression que c'est la nature de la bête. Là. Souvent, Mais c'est justement, une situation de panique ne doit pas nécessairement comme conduire toute la production à vivre ça en panique puis encore une fois à recommencer. Il faudrait juste que quelqu'un de marketing débarque puis dit « Oh, ça, il y a tel risque. » Je veux dire, faut pas... il y a quelqu'un qui vient de réagir. Non, mais c'est vrai. Je vais t'essayer. Non, mais c'est là, t'amènes le marketing. C'est une belle histoire parce que avant d'en nier sur le marketing... Pas de cynisme non plus. Non, on est ouvert. Non, mais c'est à cause... Il faut faire attention avec l'exemple que tu amènes. Je pense qu'il faut faire attention avec la période de prototypage, puis je pense pas nécessairement que consciemment, il y a des, du moins je le souhaite, qu'il y a des compagnies qui font ça, mais il faut prendre le temps après le prototypage de faire une analyse d'où on est rendu. Un pseudo post-mortem? Oui. OK. Mais c'est ça, parce que c'est bien beau dire qu'on se fixe une période de prototypage, puis après on rentre en prod. Puis là, si le prototypage a mal été fait ou est incomplet, si une répercussion dans la production, c'est qu'il n'y a pas eu d'analyse, il y a une analyse qui n'a pas été faite. Mm-hmm. Dans le sens, suite au prototypage, ce qu'on a réussi à atteindre, c'est tel point, tel point, tel point. Donc, avec cette nouvelle réalité-là, il faut orienter le projet. Parce que sinon, si ça fait, ben, on a fait le prototypage parce que c'était inscrit sur l'échéancier, et là, l'échéancier nous dit d'aller en production. Là, un instant, il y a quand même des conclusions à tirer du prototypage et c'est un bon moment pour ajuster le tir, justement, pour éviter les bévues dans le futur. Là, pour ce qui est question marketing, il y a aussi le département légal qui peut rentrer là-dedans, tout dépendant des productions, si c'est impliqué. Ça, ben là, ça, c'est un impondérable qui... comment je dirais? Même si tu as toutes les meilleures volontés du monde, même si toute la gestion a été faite, les analyses ont été faites, le département marketing peut arriver. Il y a tout le temps un angle peut-être que tu n'as pas... Puis dans le fond, tu sais, je veux dire, à chacun son travail aussi. Je sais sûr que si eux arrivent ça, des fois, ce n'est pas vraiment pour miner le projet, c'est pour des bonnes raisons. Non, puis je vous dirais très honnêtement, des fois, je ne sais pas si vous l'avez vécu de même, mais moi, je fais plus des projets de 6 à 9 mois. Mais dans le temps, j'étais sur console. Passer un an et demi, 2 ans dans la même affaire, moi, t'as dit que ça fait du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Oui, un regard frais là, sur ça aussi. Puis c'est certain que c'est quelque chose. La création, c'est jamais une science parfaite. Fait que c'est toujours nerveux du début à la fin, je pense. Mais encore là, il y a une façon peut-être d'essayer de gérer cette nervosité, là, façon de parler. Là. Ouais. Il y a une façon quand même de structurer. Puis ambiguïté, d'encadrer. Pourrait-on dire. Puis encore là, c'est sûr qu'après le prototypage, c'est pas de dire aussi que là, on se permet pas de revenir en arrière. Mais je pense que quand c'est bien fait, le besoin peut-être de le faire, advenant que ce soit inévitable, va quand même, tu vas pas repartir à zéro. Tu vas pouvoir quand même récupérer des choses parce que justement, tu étais quand même toujours conscient de la direction que tu prenais. Fait que ça, puis c'est sûr que je pense que, encore une fois, dans le début du jeu, c'est bien important de des fois d'y jouer comme si c'était le produit final, mais dans l'idée de est-ce que ça serait un produit final intéressant. Déjà là, au lieu d'attendre vraiment des focus tests qui arrivent vraiment juste à la toute fin, puis se rendre compte que finalement, peut-être qu'on aurait dû. Puis bon, je pense qu'on peut tous en témoigner. Focus test, c'est utile. C'est très utile. Mais à prendre avec des pincettes. Oui. Je veux dire, il ne faut pas non plus que le focus test devienne comme la référence qui chambranle tout le reste. Je veux dire, il faut garder un œil objectif par rapport à ça. Tu parlais d'un regard extérieur. Un focus test, c'est une bonne façon de faire ça. Surtout, en plus, tu peux le faire avec ton public cible. Mais ça, c'est de la collecte d'informations. Donc ça ne doit pas être, je te dirais, ça ne doit pas devenir le chef d'orchestre. C'est quelque chose qui peut comme t'aider. C'est de l'information comme justement qui doit aider à bâtir sur ce que tu as déjà fait, mais pas non plus qu'il y ait un vent de panique, que ça devienne le motif du vent de panique. Là. Donc c'est ça. Bon, ben je pense que c'est assez intéressant. On a vu des pour et des contre à propos des dates victoires et en espérant que c'est intéressant pour vous. Nous voici déjà à la conclusion de notre épisode. D'abord, on aimerait remercier deux gars. Ils ne sont pas autour de la table ce soir, mais ils sont quand même importants dans notre processus. D'abord, j'aimerais remercier Phil Tremblay qui nous a aidés sur le logo et tout ce qui est identité visuelle pour les jeux sont faits. Donc, si vous trouvez ça beau, vous le devez à ce gars-là. Et aussi, vous avez eu la chance d'entendre le boulot d'un jeune homme qui se nomme Étienne Lejobin. C'est lui qui s'est occupé de notre thème musical ainsi que notre bumper. Donc, un gros merci à toi, Étienne. Dans l'éventualité que vous avez vraiment apprécié ce que vous avez écouté, les jeux sont faits ont une page sur, attachez votre tuque, Facebook, Twitter, Google+, ainsi que la plateforme de publication Tumblr. Vous avez juste à chercher l'identifiant jeux sont faits FM, c'est-à-dire G-E-U-X, S-O-N-T, F-A-I-T-S, FM. On a aussi un site web qui est au www.lesjeuxsontfaits.ca. Dans ce cas-là, vous allez avoir bien sûr un accès à notre fil RSS pour la balado-diffusion, mais aussi on va y ajouter ce qu'on appelle des notes d'épisode, c'est-à-dire des liens connexes aux nouvelles et aux sujets qui ont été discutés dans le cours de l'émission. Et finalement, si vous avez aimé l'épisode, vous voudriez en entendre d'autres, on vous recommande de vous abonner à Les Jeux sont faits via iTunes, YouTube ainsi que Dailymotion. Donc, merci Simon. Mais merci à toi. J'espère que tu as quand même aimé l'expérience. Absolument. C'est cool. Et merci Martin. Mm-hmm. Toi, comment tu l'as vécu? Ah, c'était très, très bien. Je veux dire, c'était un peu la meilleure façon, c'est de se jeter dans le bain. Puis de... Je pense que oui, c'est... Puis même là, le façon que l'émission, la répartition entre la nouvelle, je pense, puis peut-être aussi quelque chose qui est... répondre à une question qui est plus de l'intérieur. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour des gens qui sont soit dans l'industrie ou ceux que ça peut intéresser éventuellement. Fait que non, c'est une bonne répartition, je pense, de sujets. Ça peut même vous amener à apprécier un petit peu mieux les jeux et l'effort que les gens mettent dedans. Donc... C'était l'épisode 1, les jeux sont faits. Merci et à la prochaine.